Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour ce nouveau numéro du mag, un numéro dans lequel, comme chaque semaine, nous allons revenir sur l'actu des adaptations de comics à la télé et au cinéma, mais également sur les news concernant les comics VO, pas concernant les comics VF cette semaine, puisqu'il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent. Nous répondrons tout de même à la question de la semaine et Clément vous parlera de son comics de la semaine. Je suis Mathieu et vous allez écouter le mag du 23 février 2016. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Et comme je l'ai dit dans l'intro, Clément. Salut. Allez, on va commencer par l'actu télé. C'est pas parce qu'on n'a pas d'actu comics que les autres parties sont pas chargées, hein. Il suffit de voir la tronche du conducteur qui est assez long cette semaine. Du côté de la télé, on va commencer évidemment par la plus grosse news de la semaine. C'est le trailer pour la saison 2 de Daredevil. Collaboration Marvel-Netflix. Saison 2, trailer partie 1. Puisqu'on aura une deuxième partie, c'est assez inédit ça, on a un trailer qui se suit découpé en deux. On aura une deuxième partie le 24, je crois. Ouais, je crois que ça doit être un c'est truc comme 24 ou 25, enfin c'est cette semaine. Alors, ce trailer, centré sur le Punisher, hein, surtout, on nous présente Frank Castle, et la version du Punisher qui nous sera proposée dans la série. On a quelques idées sur... la façon dont les relations vont se passer avec le gardien de Hell's Kitchen, et puis une petite apparition d'Electra à la fin. Est-ce que ça vous a emballé tout ça? Oui. Ah, oui, complètement. C'est même rassurant par rapport à l'acteur qu'ils ont choisi. Ouais, il a l'air... Pour The Walking Dead, catastrophique. Ah, vous étiez inquiet pour l'acteur? Moi, pas du tout. J'étais pas enthousiasmé, mais c'est vrai que là, l'acteur a l'air plutôt... Enfin, on a le droit, visiblement, on va avoir un Punisher bien badass, et ça risque d'être très intéressant à côté de Daredevil. Et la saison 2, j'ai l'impression que la saison 2 va être aussi sombre, ou voire plus sombre que la saison 1. Ouais. Et même plus gore. Ça risque d'être plus violent et... Ouais, non... Plus violent, oui, c'est sûr. Et plus violent dans les images, contrairement à Jessica Jones qui était violent dans la tête. Ouais, là, ça va être dans les images, mais... Ouais. Et ouais, non, ça annonce du lourd, quoi. Ouais, on a eu un petit teaser aujourd'hui ou hier, enfin ce week-end, avec Foggy. Ah, et avec Karen aussi. Voilà, petite. Ouais, moi, je suis surtout concentré sur Sweet Foggy parce que ça nous annonce a priori peut-être certains désaccords entre les deux. Amicale. Là, qui était déjà amorcé dans l'épisode 10 de la première saison. Donc. Ouais, donc non, ça promet d'être. Ça a l'air d'être dans la lignée de la saison 1. Voilà. Donc, et il nous reste maintenant moins d'un mois avant de le découvrir. Déjà? Puisque ce sera le 18 mars. Ah ouais. On va être servi là au mois de mars. Donc, 18 mars, Daredevil saison 2, 23 mars, Batman v Superman, ce qui nous promet deux bilans sur nos écrans assez denses. C'est clair. Ah oui, ça. Allez, on va enchaîner avec une autre série du côté de chez Marvel, et c'est Legend, et qui dit Legend dit Arnaud, parce que c'est toi qui t'y colle à chaque fois quasiment. Ouais, bah moi je suis intrigué par la première série Marvel de la Fox. Donc, celle-là, c'est pour le câble en plus, pour FX. Et donc le pilote va bientôt entrer en tournage, et donc après la grosse vague de casting d'il y a deux semaines, si mes souvenirs sont bons, on a pris un autre casting, c'est celui de Jeremy Harris, qui sera bientôt dans The Get Down, la série de Baz Luhrmann pour Netflix. Et donc là, dans le pilote de Legend, il jouera Ptonomi, qui est décrit comme un outsider et un ancien... enfant... Un ancien vendeur de brioche, peut-être. Un ancien enfant surdoué qui se sent piégé dans le passé. Voilà. Ok. Bon, bah, la série continue tranquillement à se remplir. On va suivre tranquillement tout ça. Enfin, voilà. Je suis pas vraiment impatient, ni... Enfin, voilà. Juste... Pas impatient non plus, ouais, parce que ouais, je connais vrai, pas... Tu résumes plutôt bien, Clément. Je m'en fous. À dire rien à foutre, ça a l'air alléchant, quand même. Alors, pour être honnête, j'ai toujours pas... Enfin, je sais même... Même si vous en avez parlé, je sais même pas de quoi va parler la série. Donc, en fait, ça, fait que je m'en fous encore plus, en fait. Ouais. Non, mais bon, on verra, on verra. On peut être bien surpris, avoir une bonne surprise, hein, ça changerait. C'est sûr. Ça changerait. Allez Clément, garde la parole. Tu vas nous parler de Walking Dead et dérivés. Ouais. Pour une série, bien sûr, que je regarde absolument. Il y a eu un mid-season première cette semaine. Ouais. Enfin, la semaine prochaine, non, c'est la semaine Non, c'est dernière, dernière. pardon. Si on a les audiences, c'est que c'est passé. Oui, la semaine En dernière, général, pardon. ça se passe comme Ouais, ça. la semaine dernière, donc visiblement, qui a plutôt surpris un grand monde des réactions que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Et les audiences ont suivi, qu'on a eu droit à 13,7 millions de spectateurs devant ce mid-season première. Ouais, c'est voilà, ça repart à la hausse, j'ai l'impression. J'avais pas de nouvelles que les scores avaient été aussi hauts sur la première moitié de saison, enfin en dehors du season première évidemment, mais voilà. Pour le rating, c'est 6,8 sur les 18 Ah canaux. ouais, quand même, ça, C'est énorme. c'est beaucoup. Ouais. Et puis sinon, y a eu un teaser pour la saison 2 de Fear the Walking Dead, Oui. une série pour laquelle vous avez énormément Ouais. d'attention, je Tellement. Ouais, teaser qui montre quand même une nouveauté. l'ai su. Un scénario? Non. Je l'ai même pas regardé, Des pour tout walkers avouer. qui sortent de l'eau. Ah, Il y a donc des Walker qui zombies sort sous de l'eau. l'océan. Et nagent. Ah, ça fait des... Bah, je pense qu'ils marchent sur le fond, en fait. D'accord. Ah, Bah, je ça pense. fait des... comment on peut appeler ça? Des zombies aquatiques? Ouais, c'est ça. Et du coup, Je comprends. ça va permettre visuellement de nous proposer des zombies bien dégueux, je pense, hein, comme on avait eu dans une scène aquatique dans la saison précédente de Walking Dead. Donc, je pense que des chairs en lambeaux, en décomposition à cause de l'eau et en plus du sel, voilà, je pense qu'on va avoir visuellement des choses assez gore avec ce nouveau type de zombie. Allez, The Flash pour C'est conclure intéressant. l'actu. Pardon? C'est intéressant dans cette série. J'ai pas compris. Moi non plus. Il n'y a que ça d'intéressant dans cette série. Non, c'est pas vrai. Si. Allez, The Flash, je disais donc, pour conclure cette partie télé, juste pour faire un petit point, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'audience sur les séries, Ouais, et ouais, ouais. ça fait plusieurs semaines, troisième semaine consécutive, que The Flash n'est plus battu que par une seule série, toute chaîne confondue, et c'est NCIS. Ah, c'est énorme. Voilà, la série flirte régulièrement avec les 4 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme pour la chaîne. 3,87 millions la semaine dernière. Au niveau des ratings, c'est 1,5. Ouais, ce qui est beaucoup en CW. Ce qui est pas Oui. mal, Ouais. effectivement. NCIS, évidemment, on connaît la machine que c'est. Et voilà, c'est la seule série qui, sur la soirée, arrive à battre The Flash. Parce que arrive à battre dans le sens en termes de points ou Les deux. en termes de points. Téléspectateurs. Audience, je me doute bien. NCIS, c'est 12 millions de plus déjà, donc voilà. Oui, bah oui, forcément. Mais ça veut dire que même, parce que je sais pas ce qu'il y a en face de Flash, mais il doit. Et Jane Carter, Ah, qui se vautre. il y a Agent Carter. Oui, c'est Il y a Agent Agent Carter Carter en en face. face qui fait 2,37 millions et 0,7. Ah oui, Donc. ça pique. Et t'as quoi? Parce que t'as pas d'autres séries plus Bah, sur le un reste de la certain soirée, voilà, point moi ou... j'ai ces trois points-là en comparaison. Parce que ça Je sais m'étonne en plus fait ce qu'il y a que en il y a face, quand même. mais. Ça m'étonne. Pas Enfin, énormément. c'est très bien pour The Flash, hein, parce que enfin, si les audiences Je vois ce qu'il y a sont en comme ça, face, c'est que. mais. C'est que Je la, sais enfin, je plus. veux dire, si les audiences sont comme ça, c'est parce qu'il y a aussi la qualité derrière, faut le reconnaître. Et Ouais. En tout cas, il y a bah, quand même. c'était en plus là des épisodes attendus avec Ah le oui. doublon sur Bah, Earth. je veux dire, tu me prends en comparaison, je serais pas surpris que Arrow se casse la gueule vu le concert. Bah, Arrow ne fait pas ces taux d'audience-là, ça Oui, c'est clair. voilà. Et Voilà, la donc. preuve que c'est vraiment The Flash le moteur de la chaîne et de la soirée, puisque iZombie qui est juste derrière se casse la gueule, mais c'est même plus se casse la gueule, Là, c'est voilà, c'est horrible. 1,3 million et un rating de 0,6. Ah Ça veut ouais. dire que l'audience est divisée par 3, que ce soit en téléspectateurs ou en points. Oui, donc c'est bien sûr. Ouais, c'est bien sûr. Je dis quoi, il y a Flash. Donc, d'une, c'est assez dramatique pour iZombie qui, clairement, voilà, est de Bah, plus en plus mal et peut-être vit ces derniers mois. Mais c'est deux, pas étonnant. ça prouve bien le succès de Flash, Ouais, bah voilà. voilà, C'est vu qui à les lui seul réussit à placer la CW à la troisième place des chaînes sur la soirée. Et oui, non, mais c'est ce que je disais. Après, Enfin, quand je veux dire en termes de qualité, je dis pas forcément que c'est des grands scénarios et tout ça, mais voilà, les personnes, on va dire, fans du comics ou les amateurs du comics restent quand même globalement très satisfaits de ce qui est fait dans la série. Donc moi, ça me semble plutôt logique, quoi. Et c'est effectivement, enfin, si je flash, plutôt, c'est vrai que là, ça fait 2 ou 3 semaines où j'ai l'impression qu'il y a, enfin, je sais pas si vous parlez de buzz, mais c'est vrai que les épisodes en général, quoi, ils passent des trucs dans pas mal d'épisodes et ça provoque vraiment des remous sur la Twittosphère, quoi. Bah, plusieurs fois, Mathieu, tu me dis, allez pas sur Twitter parce que ça spoil la mort. Oui, ça spoil parce que ça se pose beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est Ouais. passé, etc. Il y a quand même pas mal de mystères, donc voilà. Ouais, non, il y a pas mal de mystères, mais enfin, voilà, je trouve que c'est pas illogique, quoi, comme Non, c'est série. pas. Ça peut être surprenant, Bah, par rapport à tout ce que la chaîne propose, c'est plutôt Voilà, c'est logique que ce ça. soit cette série-là qui. Voilà. Ah Allez, on va oui, non, passer, puisque c'est logique. on n'est pas dans le débrief de The Flash, hein, on va passer à l'actu VF du côté des comics, c'est-à-dire à rien du tout, puisque ni Panini, ni Urban, ni personne n'a annoncé rien du tout de la semaine. La seule chose qui est sortie, c'est les couvertures des nouveaux mags de chez Urban Comics, Batman Univers, Superman Univers et Justice League Univers. Et notamment les variantes cover qui vont être vendues 90 centimes de plus, je crois, et qui sont dégueulasses comme pas permis. Puisqu'elles reprennent les photos du film Batman v Oui, Superman, donc avec le gros comme les logo du posters, comme personnage en ouais, rouge devant, là, comme les posters, là. ouais, mais c'est C'est déjà, ignoble. enfin, les posters sont ignobles, donc forcément, si vous êtes Donc on en a la variant photo de cover, Batman sur le Batman Univers, de Superman sur le Superman Univers et de Wonder Woman sur le ah, Justice mon Dieu. League Univers. Comme ça, on a les trois. Mais c'est immonde. Et ce qui est encore plus beau et brillant et tout ça, c'est le bandeau Batman v Superman au-dessus de la cover classique. Oh non, Fait pour oh Man of non, Steel. Il encore? l'avait fait pour Man of Steel déjà. Mais c'est le même, voilà, c'est le même genre de Bah, il bandeau. l'avait fait, oui, pour Man of Steel Oui. en VO, il y avait ça aussi, quoi, c'est moins surprenant, mais au moins c'était relativement bien Non, je crois qu'il fait. l'avait pas fait en VF. Il l'avait fait en Non, VO, non, mais effectivement, sur les enfin, singles, mais tu parles chez de la Urban, VO ou je la sais plus. VF? Ouais. De la Non, enfin, VF, chez il me semble Urban. qu'Urban l'avait fait. Je suis Ah, quasiment je suis sûr. pas persuadé. Bon, peut-être, En VO, je peut-être. suis sûr parce que ça arrivait genre pour la sortie de Arrow C'est ou de sorti Flash, quand déjà? etc. Man of Steel, bah, 2012. 2012 ou 2011, je sais plus. Ah. 2013? Non, 2012. 13? Non. 2013, Ah moi, je si. crois. 2013, Ouais, on s'en fout, de toute je façon, crois. voilà. On s'en fout, on s'en fout. Voilà. Allez, on Bref. va répondre C'est à la dégueulasse. question. Voilà, c'est dégueulasse, c'est pas beau, n'achetez pas la variante, elle sert à rien. Gardez vos C'est ça. 90 centimes. On va Et passer à la si question. je viens de regarder un vieux Urban, un vieux Batman saga et ça y est dessus. D'accord. Bon, bah, c'était déjà dégueulasse à l'époque et ça le sera toujours cette Ouais. fois-ci. À savoir que je suis allé sur la, enfin, juste pour m'amuser, je suis allé sur la page Facebook d'Urban pour voir s'il y avait pas une petite news ou deux qui traînait. Les gens sont ravis du contenu Convergence des mags en ce moment. Voilà. C'est ironique ou pas? Oh bah, à ton avis. Ah La question de la semaine porte donc sur le film Deadpool. Après avoir écouté notre avis dans le podcast sur nos écrans, numéro 42, qui était consacré au film, nous vous demandions sur le site de donner à votre tour votre note au film. Donc les notes allaient de 5 sur 5, chimichangas pour tous, 4 sur 5, il manque quelques centimètres. 3 sur 5, c'est bien, mais c'est pas bien. Ou alors, vous avez possibilité de donner 2, c'est pas bien, mais c'est bien. 1 sur 5, de toute façon, j'aime pas les licornes. Ou 0 sur 5, Green Lantern Forever. Nous avions tous voté 4 sur 5 à l'époque Ouais. du podcast. Personne n'a changé d'avis depuis. Non. Ça ne sert à rien que je vous pose la question. 0% de vote pour 0 sur 5. 0% de vote pour 1 sur 5. 0% de vote pour 2 sur 5. Non. 6% de vote pour 3 sur 5. 35% de 4 sur 5 et 59% d'entre La vous ont vache. donné la Ah note non. Oh parfaite la au vache. film. Excellente note en tout cas pour le film. Voilà, 5 sur 5 pour une large majorité d'entre vous. Et voilà, il y a juste 6% des gens qui ont voté 3 et personne en dessous. Donc, a priori, ça marche. Donc nos auditeurs ont du bon A goût. priori, ça plaît et on verra plus tard quand on parlera du box-office Ouais, qu'effectivement, ça ça plaît. plaît beaucoup. Allez, actu ciné maintenant, justement, et on va pas commencer par Deadpool, on va parler de Guardians of the Galaxy volume 2. Et il Oui. y a quatre news qui sont tombées cette semaine, Clément. Oui, donc le tournage a débuté à Ouh! Atlanta, je crois. Et à cette occasion, on a eu déjà une première photo du casting principal. Bon, on voit pas grand-chose, hein, on Alors, ça voit pourrait être des morceaux de carton avec avec la silhouette des C'est mecs et un ça. projecteur derrière, qu'on C'est n'aurait ça. pas compris la différence. C'est ça, c'est ça. C'est, voilà. Et moi, le seul truc notable que j'ai vu, bah, c'est des micros, quoi. Baby Groot sur l'épaule de Voilà, Drax. je pense que ça va être. Enfin, c'est des micros, quoi. Voilà, je me demandais justement si on allait avoir un groupe, on va dire, adulte. Et en fait, bah non, donc ça risque d'être plutôt cool. Ensuite, du casting. Oui, donc là, c'est plutôt du gros nom qui a été annoncé au Ça casting, va, ça puisque Kurt passe. Russell, ça passe. Kurt Russell a été annoncé au casting, donc il sera visiblement le père de Star-Lord, Ouais, j'ai bien compris. c'était confirmé qu'il jouait son père, je crois qu'il me semblait qu'on n'avait pas son rôle. Ah, on a. Oui, mais je dis ouais, mais en fait, non, oui, on sait pas, oui. On ne sait pas, mais ça a été une. J'ai cru que c'était officiel parce que c'est un truc que j'ai vu. Non, non. D'accord. Et toujours en termes de casting, ou plutôt une autre actrice a été annoncée et c'est une actrice française. Ça fait longtemps qu'on sait qu'elle y Ça a est. été annoncé depuis longtemps, non? Bah bon, bah pourquoi j'ai. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a confirmé qui elle Ah est. oui, d'accord, non, oui, pardon. Donc elle confirme son rôle qui est Mantis. Voilà, tu peux donner son nom parce que je sais que tu vas prononcer facilement, toi. D'accord. Pomme Clément Thiès. Ouais, Pomme Clémentieff. Donc, qui confirme qu'elle jouera bien Mantis dans le volume 2 de Guardians of the Galaxy, dont on a aussi eu le premier synopsis, Clément. Oui, bon, c'est rien de bien sensationnel. C'est clair. Ça dit juste, voilà, que c'est Guardians of the Galaxy volume 2 qui continue les aventures qu'ils appellent de l'équipe pour révéler le mystère autour. Révélé. Oh, révélé, ouais, c'est nouveau. révéler, C'est pardon. la réforme de l'orthographe, tu sais, les accents. Oui, pardon, non, révéler en gros le mystère autour de la parenté de Peter. Va Voilà. découvrir le mystère. Ouais, on va peut-être enfin savoir qui est le père, la mère, ou je sais pas qui, le grand-oncle, ou j'en sais rien, de Peter. Voilà. Et tout ça autour, bien sûr, de la Awesome Mixtape Number 2. Voilà. Évidemment. Allez, on parlait de Deadpool tout à l'heure dans la question de la semaine. La Deadpool mania semble s'emparer du monde et même de la Russie. Ouais, ça peut être une surprise, Ah, ça mais m'a troué le cul. déjà, bah, bon, c'est déjà la Chine. Le film sortira pas en Chine, donc il se prive déjà d'un gros marché. Mais le film est sorti en Russie et il a même battu Star Wars. Star Wars Normal. avait fait 12,3 millions de dollars au box-office pour son week-end d'ouverture et Deadpool a fait 13,1 millions de Voilà. dollars. Donc, voilà. Si je m'attendais à lire un jour une news que Deadpool avait battu Star Wars épisode 7 quelque part. Il a battu Star Wars non seulement, mais en plus c'est le meilleur score d'ouverture pour un film en Russie. Oui, bah oui, on s'en doute. Du coup, c'est Tu Star m'étonnes. Wars. Voilà. Si Star Wars est battu, Ouais, Et en mais France ça alors? fonctionne bien partout, oui. Puisqu'en France, pour sa première semaine, ouais, le film a récolté 1 575 661 entrées pour sa première semaine, ce qui est un énorme score, hein. Et du coup, aujourd'hui, donc le 21 février, dans le monde entier, le film a récolté plus de 491 millions de dollars dans le monde. Qui veut dire le demi-milliard Ouais. en Ça. neuf jours. Et aux États-Unis, donc il a récupéré 235 millions. Et j'ai lu que c'était le record pour les films Fox, enfin tous les films X-Men Voilà, aux il États-Unis. a déjà battu en 9 jours tous les Tous films les de la franchise. X-Men. Voilà. C'est juste énorme, quoi. Donc un demi-milliard en 9 jours, va peut-être falloir se poser la question de jusqu'où il va aller, hein, parce que. Bah ouais, Est-ce qu'il va atteindre le milliard? Hein? Oh. Je pense pas. Je n'y crois pas, mais rien que le fait qu'on se pose la question, c'est assez énorme. Va Ah pas, oui, il va pas, mais sans doute pas être loin, il mais va pas être loin du milliard. Ça sans ne doute s'arrêter m'étonnerait pas autour qu'il des soit 800 millions. 800 000, ouais. Des Ouais. 800 000, c'est 800 millions, inespéré. c'est mieux. Enfin, c'est totalement inespéré. Parce que jamais j'aurais pensé à un carton comme ça pour tout. Mais ouais, déjà, pourquoi je pose la question, est-ce qu'il est capable d'atteindre le milliard? C'est que voilà. Hein. Ça serait beau, parce que je pense que personne n'usait une seule pièce pour qu'un film comme ça puisse prétendre à atteindre le milliard. Sachant qu'il n'est pas sorti en 3D. Il sortira pas en Chine. Ouais. Voilà, donc ouais, non, c'est Bref. impressionnant. Vous vous rappelez sans doute, pour ceux qui ont vu le film, de la fameuse Deadpool, Ouais. cette liste de noms sur lesquels on pariait la mort, l'heure de la date de la mort ou l'âge, je ne sais plus. Voilà. Sur comicbook.com cette semaine, on a eu droit à une liste des noms, enfin de certains Certains noms noms. qui apparaissent sur cette fameuse Deadpool, et il y a du lourd à renom. Certains sont intéressants. Bon, il y en a, s'en fout un petit peu, genre Comme je le sais, Shia c'est. LaBeouf ou Bill Cosby. Bah, moi, Shia LaBeouf, ça m'a fait rire. Moi, Ouais. Il y en a enfin, il d'autres y a qui des sont noms, drôles. franchement, ils sont drôles. Hein. Et ensuite, on a aussi Rob Liefeld, qui est l'un des co-créateurs de Deadpool, qu'on voit dans le film. Il y a Ryan Reynolds lui-même, hein. DJ Miller aussi, qui est le tenancier de bar. Hein. Et Après, il y a des ah, noms comme Mike Tyson. Comment? TJ Miller, je pensais que c'était le réalisateur de Fantastic Four, c'est pour ça que ça m'avait fait rire, mais c'est pas ça, non. Non, non. Mike Tyson, Ozzy Osbourne. Un nom très surprenant aussi, Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'ils vont tous voir le film en Russie. C'est ça. Ils veulent voir la prédiction de la mort de leur président. Miley Cyrus aussi, si elle continue son bordel. Kanye West aussi. Et surtout, quand tu vois les deux derniers noms, quand tu vois leurs noms dans les journaux People, tu te poses beaucoup de questions sur leur santé, sur leur vie. On a Lindsay Lohan et Charlie Sheen, Voilà, qui sont donc. connus pour leur fresque base d'alcool, pute et Et drogue. c'est une partie des noms de cette liste, hein, qu'on aura tout loisir de contempler une fois le film sorti en DVD. C'est ça. Ou en Blu-ray. Ouais, Allez Clément, Batman v Superman. On va passer de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire. Tu vas nous parler de Batman v ouais. Superman. Et Ben Affleck a quand même eu des conseils. Oui, des conseils, comment dire, avisés. C'est ça, avisé, c'est le mot. Avisés. Donc, un conseil du magnifique, inoubliable Batman de Batman et Robin, George Clooney. Et quand même le conseil de Christian Bale, donc connu pour avoir incarné Bruce Wayne Batman dans Donc, Superman. ils ont donné quelques conseils, quelques tips à Ben Affleck pour rentrer dans le rôle de Batman, Ouais. etc. Et voilà, George Clooney, quoi. George Clooney. Mais comment on peut dire? Eh, si j'avais demandé des conseils à George Non, Clooney pour c'est ça. incarner Batman, quoi. Mais Ça. Ou comment quelqu'un a pu trouver intéressant qu'il puisse oui, avoir des conseils de voilà, parce que c'est lui ça. même je pense pas qu'il y soit allé, mais bref. Bah non, mais oui, mais surtout qu'il est C'est aussi vrai. crasseux sur le film, quoi. Donc voilà, bon, bah écoutez, on va voir rapidement, hein. Dans un mois on saura qui l'a suivi. Et puis on a appris la durée et la classification du film. Oui, donc c'était une durée qui était pour le plus ou moins annoncée depuis un certain temps, mais du coup, oui, qui est confirmé, donc ça sera plus long que Man of Steel, puisque la durée du film officiel est de 151 minutes, avec une classification rated PG-13. Ouais, PG-13 et 151 C'est putains de énorme. minutes. C'est beaucoup, ouais. Ça, c'est juste. Enfin, j'espère que le film va pas être chiant, parce que ça, sinon, ça va être très très long. Bah, ça fait cher la Enfin, sieste, hein. Bah ouais, non, mais attends, ça fait 2h40. 2h31, tout simplement. Ah oui, putain, 2h31 quand même. Oh, c'est long, quoi. Ils ont Ouais. intérêt à pas se merder, hein. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Sachant qu'avec les premiers retours qu'il y a, ça... Oui, voilà, les retours sont a priori apparemment pas terribles d'après les Ouais. rumeurs qui circulent ici et là. J'ai rigolé aussi cette semaine, j'ai vu qu'un logiciel très avancé au niveau des algorithmes avait calculé la probabilité de succès du film et le Ouais. score est de 32%. Oh la vache. Voilà. Oh, C'est intéressant de savoir combien il avait donné pour Deadpool. Je sais pas. J'ai Mais pas eu ouais, la non, mais fiabilité du enfin, truc. le problème, Enfin, voilà, c'est jamais fiable un logiciel pour ce genre de c'est film. et puis bon, on est quand même bah, un mois pile de la sortie du Ouais, film. c'est ça, 23 février et 23 mars, on est à 4 semaines. On est à 4 semaines, mais la promo, elle est Faible. très très faible, quoi. Donc je me dis, Mais il y a ouais, des ce gens qui savent sera. même pas que le film sort dans un mois. Qui Mais pensent qu'il sort dans ouais. 2 ou 3 mois. Non, mais je vais vous dire, je le savais même plus moi-même. Moi C'est non plus, j'avais pas ce capté. matin au ciné, j'ai vu les PLV, je me suis dit, ah oui, c'est le mois prochain. Oui, non, mais moi pareil, je me dis, ah merde, oui, c'est Moi, vrai, j'ai c'est jamais là. vu la bande-annonce au ciné encore. Moi Ah, non plus, je j'ai vu crois dans. pas. J'ai vu. Mais ouais, moi je sens la. Enfin, j'ai un peu peur là quand même. Plus je me Allez. rapproche et plus j'ai peur. On verra de toute façon maintenant. On va terminer avec Star Wars. Star Wars, là, tout d'abord, dont l'épisode 8 a commencé son tournage, on le sait. Il y a une petite vidéo qui a été sortie pour annoncer ça. Une vidéo très rapide, Papa. qui est centrée sur Luke, évidemment. Voilà. Donc on sait que le tournage a commencé depuis quelques jours et on sait également que Luke n'a toujours pas parlé face à la caméra. Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? On ne sait pas. On sait juste que, par contre, la production sait comment se défendre face aux drones, puisque on sait qu'on peut espionner le film et le tournage grâce à des drones espions, hein, qui pourraient prendre des photos, etc. Et ben, du coup, la production va lâcher ses propres drones. Donc, ça va être sympa. Ça va être Donc, la bataille production. de drones, Donc drone voilà, war. pour combattre les drones espions, eh bien le studio va utiliser des drones. Combat de drone. Voilà. Drone war, quoi, le Donc du coup, matin. voilà. Oh, joli. Ouais. Du coup, ils pourront filmer, ça pourra la faire des scènes. J'imagine bien le truc, quoi. C'est Un petit drone TIE Fighter, tu sais. Hop. ça, ouais. Un drone TIE Fighter, un drone de Faucon Millenium. C'est ça. On a eu droit également à l'annonce que Rogue One est lui aussi entré. Enfin, ça fait un petit moment déjà. On a une petite vidéo qui était celle qui avait leaké de Anaheim l'année dernière, qui a été cette fois mise officiellement et en bonne qualité. Voilà. Où on voit l'étoile noire et où on a une variation du thème de l'Empire. Et on a appris surtout que Mads Mikkelsen, contrairement à ce qu'on croyait, ne jouera pas un méchant dans Rogue One. Ah, Bon, ça. bah, c'est bien, ça nous avance. C'est vrai qu'il était habitué au rôle de bad guy, Ouais. voire de très vilain garçon. Et là, non. Là, il ne jouera pas un méchant. Bon, bah. D'accord. Donc, qui sera-t-il? Eh ben, on saura plus tard. Il faudra être patient. Allez, on va passer avant les comics VO, il y a beaucoup, beaucoup de choses du côté des comics VO, notamment un gros morceau sur lequel on va s'attarder un petit peu. Évidemment, c'est Rebirth, vous vous en doutez. Mais avant ça, Clément, tu voulais nous parler pour cette semaine de Robinson of Ouais. Batman, du premier arc, tout du moins. Ouais. Ça va être rapide hein, parce que je Donc, suis pas seul. situe-nous un petit peu qui fait ça, de quoi ça parle, tout ça. Donc Robinson of Batman. Ah Voilà. mince, Robinson of Batman. Donc en fait, la suite ni plus ni moins que Batman et Robin. Donc à la tête de ce titre, ce n'est plus Tomasi mais Patrick Gleason, donc qui est à la fois au scénario et au dessin. Et en fait, bah, on va retrouver Robin, donc qui voyage dans le cadre de l'année du sang. Je crois que c'est comme ça, c'est l'Obdias, ouais, c'est ça doit être l'année du sang. Parce que forcément que dans le contexte de l'univers Batman, bah, Bruce Wayne n'est plus là, donc il faut bien que Robin fasse quelque chose. Et donc, honnêtement, j'ai plus trop les détails en tête, mais il va avoir tout vraiment. C'est l'arc, j'ai terminé l'arc hier, il doit durer 6-7 numéros, 6 numéros je crois. Et donc ça va vraiment axer sur, bah, en fait ça va être une sorte de voyage initiatique. On va découvrir des nouveaux personnages, des nouvelles facettes de Robin. On va découvrir son animal de compagnie, Goliath, qui est très, comment dire, imposant. Vu son Et on nom. va aussi, et ouais, vu son nom, et surtout... Finalement, ce premier arc de Robinson of Batman est plus ou moins lié au tout premier arc de Batman and Robin version New 52. Donc, je pense que Mathieu, tu avais lu cet arc-là Avec aussi. Nobody. Ouais, et donc en fait, on va retrouver la fille de Nobody. D'accord. Et Qui donc, est donc Somebody? non, même pas Nobody et. Elle s'appelle comment du coup? Du son nom ou non? Vu que Je ma sais. vanne est tombée à l'eau, vas-y, donne Ouais, ton nom. ouais. Non, non, mais j'ai plus le prénom en tête, mais bref, ah bah c'est Nobody. Et donc, même si on se doute qu'au début il y a un affrontement entre eux, et ben finalement ça va pas du tout conduire comme ça, et ça va donner lieu à des scènes plutôt bah, très bien, plutôt bien écrites. On a toujours la patte de Gleason, et on va avoir aussi bah, le retour de Talia al Ghul. Et en fin d'arc, on va avoir, bah, on va dire, un pan supplémentaire de la Ligue des Assassins qui va être, commencer à émerger, puisqu'on, grosso modo, va apparaître dans les deux, trois derniers chapitres, on pourrait dire le némésis de la Ligue des Assassins, donc qui émerge à peine, donc il peut être, voilà, ça s'annonce plutôt prometteur, et donc j'ai essayé vraiment de pas trop spoiler. Bah, je trouve que c'est un très bon travail de la part de Gibson. Il a très bien récupéré le titre et ça se voit qu'il bosse dessus depuis maintenant 2011. Et j'ai pas senti la différence avec Tomasi. Et franchement, c'était bah, du très bon. Et je prends toujours autant de plaisir à retrouver le personnage de Damien Wayne. Et donc, je suis très curieux de voir comment va s'annoncer la suite des événements. Mais voilà, je sais pas si c'est encore publié en français. Alors justement, c'est ce que j'allais dire pour Ouais. conclure ton propos. Lecteur français, vous découvrirez ça. Vous avez encore un petit mois à vous taper Convergence dans Batman et dans Batman Saga. Et voilà, dès le numéro 1 de Batman Univers, vous aurez le premier Mais épisode voilà, de franchement, Robinson. c'est vraiment bon. Pour ceux qui ont lu les Batman et Robin, ils sont vraiment pas dépaysés parce qu'en fait, même si le nom a changé, et d'ailleurs, le nom de la série prend tout son sens à la fin du premier arc, Et Alors tu dis ben, rien, sinon on te casse tes petites pattes arrière. non mais ça prend tout son sens et voilà, c'est la suite en fait, ni plus ni moins que la suite. Les Ok. bâtards n'ont pas toujours une opportunité. Voilà, Well, très c'est bien. très bon. Eh bien, puisque tu étais sur Robinson of Batman, on va commencer l'actu des comics VO par DC, du coup, pour garder une certaine logique. Et ça y est. Ça y est, enfin, on sait ce qui se cachait derrière ce rideau bleu. Enfin. Le rideau bleu de Rebirth, après du teasing et du teasing, après un ultime teaser qui nous disait que Rebirth n'est pas un reboot et n'en a jamais été un, qui a un peu surpris tout le monde. Geoff Johns a pris la parole lors du Comics Pro qui se tenait cette semaine, qui est un rassemblement des retailers, des comic shops aux États-Unis, rassemblement annuel, je crois. Donc, il avait une conférence. Juste avant cette conférence, une vidéo a été balancée sur YouTube et sur CBR en exclusivité, où Geoff Johns explique pourquoi Rebirth, où il revient sur Green Lantern Rebirth et Flash Rebirth qu'il avait écrit et qui avait été dessiné par Ethan Van Sciver. Et donc, Rebirth, DC Rebirth, c'est un peu dans le même esprit. C'est renouer avec l'héritage de DC, tout comme il avait fait avec Green Lantern et avec Flash. Donc, on va retourner un peu au basique et renouer avec ce qu'est vraiment DC. On va continuer à avancer, évidemment, mais voilà, on va arrêter de renier un petit peu ce passé, comme ça avait été le cas des New 52. Voilà un petit peu la déclaration d'intention de Geoff Johns, le mot legacy, c'est le mot qui revient le plus dans sa déclaration. Donc voilà, DC veut renouer avec son héritage. Et tout commence le 25 mai avec un one-shot, DC Rebirth numéro 1, scénarisé par Geoff Johns, dessiné par Ethan Van Sciver, Ivan Reis, Gary Frank et Phil Jimenez. Donc là, il s'est entouré juste Ouais. de quatre monstres du dessin. Un one-shot de 80 pages qui posera les bases de ce que sera DC Rebirth et qui sera vendu au prix de $2,99 Ça, c'est la bonne nouvelle. On revient aux 2,99 $. 80 pages, $2,99. Donc voilà, c'est un numéro un peu comme les Marvel Point One, Ouais. j'imagine. Voilà. Donc 80 pages, $2,99. Et pourquoi $2,99? Puisqu'il a été annoncé lors du Comics Pro que tous les singles DC, et j'insiste bien sur tous les singles DC à partir de juin et de Rebirth, seront au prix unique de Ah, $2,99. merci DC qui a enfin compris. Ça fait du bien. DC devient donc l'éditeur le moins cher du marché. Loin Ouais. derrière Marvel, évidemment, et même derrière Image, qui de plus en plus propose des singles à 3,50. Ouais. Voilà. Donc, Donc, du coup, voilà, DC, avec sa politique unique de $2,99, deviendra l'éditeur le moins cher. C'est sûrement qu'ils ont pour objectif, voilà, c'est clairement pour remonter dans les ventes, mais ça fait du bien quand même parce que ça commence à piquer quand même Non, les mais comics c'est à ça, c'est ça. 15 $. Et d'ailleurs, ça sera intéressant de voir si cette baisse de Oui, prix, ouais, ça va être très sur le long intéressant. terme, hein, puisque évidemment, sur le premier et le deuxième mois, on va Ouais. avoir une grosse hausse des ventes, mais si cette baisse de prix va aussi aider à fidéliser les lecteurs. Moi, ça m'intéresse. Ouais, Parce que là, on moi a une aussi. vraie révolution. C'est un éditeur qui revoit ses prix à la baisse. Et ça, c'est. C'est assez inédit, quoi. Et surtout, j'ai pour bonne mémoire, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a quelques mois, je crois que la question s'était posée pour. Je me demande si c'est pas d'ici. À un moment, il y avait une rumeur comme quoi ils allaient mettre tous leurs titres à 4 $. Oui, bah finalement, c'est Donc l'inverse qu'il fait. finalement, c'est tout à fait l'inverse. Et finalement, on retourne à un stade très. Enfin, à un Ouais, stade même bien avant encore, hein, parce bien qu'il y avait des avant. titres à 3,99. Voilà. Et là, 2,99 $, C'est c'est très la bien. grosse surprise, hein. Donc on va continuer après cette annonce-là. On a eu la confirmation qu'à partir de juin, toutes les séries seront bien renumérotées, mais pas toutes au numéro 1. Et ça, c'est intéressant, parce que Action Comics et Detective Comics, donc les deux gros titres de DC, vont reprendre leur numérotation originale, celle de Ça fait plaisir. 1939 et 1937. Ah, ça fait plaisir. Donc, on va reprendre en juin avec un Action Comics numéro 957 et un Detective Comics numéro 934. Geoff Johns dit qu'évidemment, il a hâte de voir arriver le Action Comics 1000. Ah bah oui, tu Et m'étonnes. c'est Ça vrai va que arriver. Et c'est vrai que ce sera un événement d'avoir Action Comics 1000. Enfin, voilà. Ah ouais. Donc voilà, 957 pour Action Comics et 934 pour Detective Comics en juin. Et ça peut paraître gadget comme ça, mais moi je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Ouais, c'est un geste aussi. important qu'ils font là, en reprenant leurs deux comics historiques, en leur redonnant leur numérotation de base, et en prenant le risque, parce que c'est un risque dans un marché où on n'a plus que des numéros 1 tous les 6 mois, du côté de chez Marvel notamment, c'est un risque de partir avec un numéro 957 et un numéro 934. Complètement, mais c'est très osé. C'est ça fonctionne avec leur envie de renouer avec le passé. Voilà. Ça peut paraître gadget, mais l'intention, en tout cas... La symbolique est là, quoi. C'est pas vraiment retourner aux fondamentaux du style. Enfin, c'est pas Action Comics, c'est Detective Comics, voilà. Donc toutes les séries passent. Ouais. Toutes les autres séries passeront par le retour au numéro 1. Et on aura un nouveau catalogue d'ici de 32 séries. Ah ouais, c'est réduit. Donc 20 de moins que dans le début des New 52, ce qui est une bonne nouvelle, surtout quand on sait que le prix est de 2,99. Mais 17 d'entre elles seront bimensuelles. Plus de la moitié seront bimensuelles. Donc, ce qui nous porte à 49 sorties par mois. Ce qui est toujours moins que les New 52, mais du coup, ça augmente quand même. Voilà, hein. Ouais, 19, ça me paraît beaucoup, surtout qu'on va voir la liste juste après des séries. Ouais. Il y a pas mal de séries bimensuelles qui, clairement, pour moi, ne méritent pas d'être bimensuelles et qui risquent de se casser la gueule rien qu'à cause de ça. Donc voilà pour les choses générales. Ce qui est intéressant, c'est que tout va pas démarrer en juin. Et ça m'a un peu surpris, parce qu'en juin, il y a que 9 séries qui démarrent. Ce qui est pas énorme, tu veux dire 9 séries sur le marché. 9 autres en juillet, et les 14 restantes à l'automne, donc sur les mois suivants. Donc j'imagine août, septembre, octobre. Ouais, donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire, là je pose la question, est-ce que ça veut dire qu'en juin, on aura juste 9 séries d'ici en vente? Logiquement, oui. Ça serait hyper étonnant. Ah ouais, ça serait étonnant. C'est risqué. C'est risqué, mais ouais, ça serait... Parce que 9... Donc ça, mais en même temps, ça veut dire que les... Certes, c'est très risqué, mais je trouve la stratégie, si c'est vraiment comme ça que ça va se passer, c'est étrange, mais c'est assez malin, parce que ces 9 séries-là, elles vont ramasser un max de lecteurs, puisqu'il n'y aura rien d'autre à acheter, donc on va peut-être... L'effet curiosité fonctionnera mieux, puisqu'il n'y en aura que 9. Donc après tout, pourquoi pas tester. Et du coup, ces séries-là vont avoir, vu qu'elles sont bimensuelles, elles vont avoir toutes deux numéros pour s'installer. Il y en aura juste 9 de plus en juillet et tout le reste plus tard. Donc ça veut dire que ce qu'ils vont sortir au début aura peut-être plus la chance de fidéliser un public. Ouais, je pense, ouais. Donc ça peut être intéressant. Enfin, c'est une stratégie qui, voilà, moi, m'intrigue et m'intéresse vachement. Ça change clairement de la stratégie. Enfin, tu prends Marvel parce que c'est mon concurrent direct. Et là, pour le coup, on critiquait, je me souviens qu'il y a encore quelques semaines, voire même quelques mois, même moi, je crois, je critiquais DC parce que j'arrivais pas à voir très bien où ils avaient une réelle stratégie, quelle était leur politique éditoriale. Et là, pour le coup, en termes de stratégie et même de politique éditoriale d'ailleurs, là, pour le coup, ils démarrent enfin. Après, voilà, il faut voir, est-ce qu'ils vont faire la connerie qu'avait fait Marvel en continuant d'autres séries? Ouais. À côté, c'est possible aussi, hein. Donc bon, on va attendre les sollicitations de juin avec encore plus d'impatience du coup. Ah bah oui. Exactement ce qu'il y aura dedans. Alors, on va parler de la liste maintenant. Ouais. Au mois de juin, donc, 9 séries. Toutes les séries, comme l'avait annoncé Bleeding Cool, auront droit à un numéro Rebirth avant d'être lancées à leur numéro 1. Donc en juin, on aura le numéro Rebirth plus le numéro 1 des séries suivantes. Aquaman. Ouais, donc c'est bimensuel en fait. Voilà, toutes les séries de juin sont bimensuelles. D'accord. Aquaman, Batman, The Flash, Green Arrow, Green Lanterns, avec un S à Lanterns, Superman, en un seul mot, et Wonder Woman. Voilà, les 2, 4, 6, les 7 séries qui redémarrent au numéro 1 dès le mois de juin. Bah, on a la Justice League, là. Hein. Oui. Tu rajoutes Cyborg et c'est Batman et Superman. Voilà, donc là, on a les 7 grosses machines de DC qui vont être lancées dès le mois de juin. Et on aura aussi Action Comics numéro 957 et Detective Comics numéro 934 en juin aussi. Donc, ce qui porte le total à 9. On a un petit Rebirth en plus, c'est Titans, qui sortira le Titans Rebirth numéro 1 en juin. Donc ça fait 10. Bah, il y aura que le Rebirth, donc je le compte pas vraiment pour 10, puisqu'il est mensuel, Titans. Donc le vrai numéro 1, c'est juillet. Donc ça fait 9,5 en juin. C'est quand même une sortie, hein, ça fait quand même 10 comics à 2,99. Oui, voilà. C'est pas un demi-comics, hein. Oui, mais bon, les Rebirth, pour moi, ils vont pas lancer vraiment la série. Ça va être un numéro qui va expliquer la transition entre le avant et voilà. Oui, mais ça compte quand même dans les ventes. Ah bah oui, c'est clair. En juillet, d'autres séries se lancent. Bad Girl. Bad Girl and the Birds of Prey. Bad Girl aura son nom dans deux séries. The Hellblazer. Donc, Exit le Constantine et retour à la dénomination originale, The Hellblazer. Redwood and the Outlaws, The Superman, avec le fameux tiret entre Super et Man, qui était la rumeur de Bleeding Cool. Ça, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Ça, je suis curieux. Et Titans, le numéro 1. Donc ça, ce sont des séries mensuelles qui vont être lancées en juillet. On aura trois autres séries bimensuelles qui vont être lancées en juillet. Justice League, Nightwing, et Hal Jordan and the Green Lantern Corps. C'est intriguant aussi ce titre. Très intriguant. Donc du coup, deux séries Green Lantern en bimensuel. Je suis pas sûr que la Ouais. franchise ait les épaules pour le supporter, mais bon. Pas sûr non plus. Nightwing, retour de Nightwing. Et non plus de Qui... Grayson, et non plus de... Voilà, c'est Nightwing qui redémarre Mais bimensuel. en bimensuel. Et puis pour les séries annoncées pour l'automne, on aura Batman Beyond, donc en mensuel, hein, toutes celles-ci. Batman Beyond, Blue Beetle, Earth 2, Gotham Academy Next Semester, Supergirl, Superwoman, surprise. Là, pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. Je vais Super arriver Sons. dans la série. Ouais. Super Sons, Teen Titans et la fameuse série Trinity qui, elle, sera mensuelle. Et puis les séries bimensuelles lancées dans cette vague à l'automne. Cyborg, Deathstroke, Harley Quinn, Justice League America, enfin Justice League of America et Suicide Squad. Étonnant que Suicide Squad débarque si tard. Bah non, le film va sortir en fin d'année. Ah oui, il sort en août et pas en juillet, c'est vrai. Je Donc croyais du qu'il coup, s'appelait, je pensais que c'était juillet. tu vas te taper fin août, début septembre, Suicide Squad, Deathstroke et Harley Quinn. Normal. Normal. Voilà. C'est vrai que c'est. Donc voilà pour la liste des séries. Clairement dans les bimensuels, voilà, Cyborg en bimensuel, Deathstroke en Non. bimensuel. Ça va pas tenir. Hein. Je comprends Ça pas. retiendra pas. Bon voilà, on verra plus tard. On n'a pas vu les équipes créatives. On les aura le 26 mars. Elles seront annoncées à Los Angeles lors de la WonderCon. Donc on va guetter ça. Et évidemment, Ouais. on vous fera le relais de ces annonces-là. On sait seulement que Monsieur Jim Lee sera sur Suicide Squad. Sérieux? Voilà. Donc on peut supposer que Suicide Squad aura forcément du retard. Alors non, non justement, puisqu'il sera, il fera partie d'un roster d'artistes. Ah, Donc d'accord. du coup, ça va être des artistes tournants. Alors peut-être qu'ils vont dessiner chacun des arcs. Ouais, mais Genre, il va faire une histoire en bon, quatre je numéros. t'avoue qu'un Monsieur Jimmy sur une série, ça, enfin, voilà, quoi. Je suis portant. Donc il va faire genre quatre numéros. Il y en a un autre qui va prendre le relais pour en faire quatre autres, etc. Enfin voilà. D'accord. Donc du coup, on a peut-être une indication sur comment vont se comporter les séries bimensuelles au niveau des dessinateurs. Qui pourrait être comment? Des collectifs de dessinateurs qui se passeraient le relais pour assurer les dés. On sait quoi d'autre Et puis on sait qu'a on peut dire priori, que. Monsieur et Madame Finch seront toujours sur Rebirth, mais plus ensemble. Ah. Donc ils ne seront plus sur. Et on sait du coup que Snyder ne sera pas sur Batman. Il l'a dit lui-même, mais Il si l'a dit Detective lui-même. Comics passe en bimensuel, est-ce qu'il va être sur Detective Comics du coup, puisque a priori la rumeur c'était qu'il voulait pas un titre bimensuel. Enfin, à suivre. À suivre le Ah, 26 mars. il voulait pas de titre dimensuel. Ouais. Ah, et puis, il y a des rumeurs qui se confirment, puisqu'on a appris. Ah ben, je sais pas si c'est sûr. Bon, on a appris que Tom King a Oui, signé en voilà. exclusivité chez DC. On ne sait pas pour quel titre, mais il a signé un contrat d'exclusivité, donc ça veut dire notamment qu'il va arrêter Vision chez Marvel au numéro 12. Voilà pour Rebirth ce qu'on pouvait en dire ce soir. Allez voir peut-être la vidéo durant laquelle Geoff Jones présente un petit peu tout ça, puisque je pense que les visuels ont leur importance. Dans cette vidéo, on voit des visuels qui peuvent peut-être donner des indices. C'est peut-être pas un hasard si le Nightwing qui est présenté dans cette vidéo a le logo bleu et pas le logo rouge. Retour le Voilà. logo bleu. À voir. À voir, à voir. Voilà, allez, on arrête avec DC. On va passer aux news un peu diverses dans les comics et c'est toi, Clément, qui va nous en parler. Oui, donc comme chaque année, il y a la Pre-Comic Book Day. Donc Ouais. là, naturellement, il est question de la Pre-Comic Book Day 2016. Et donc, bah, record pour le Pre-Comic Book Day, puisqu'on a atteint les 6 millions de précommandes. 6 millions d'exemplaires, voilà, 6 millions de comics seront distribués pour le Free Comic Book Day cette année. Énorme. C'est assez huge, en effet. Et puis Funko qui annonce une nouvelle gamme encore. Comme si on Oui, en avait besoin. une gamme, comment ils appellent ça? Rock Candy Vinyl, c'est ça? Ouais, les Rock Candy, ouais. Donc c'est bon, c'est mignon quoi. C'est mignon, puis c'est ben, tous les personnages présentés, c'est uniquement des personnages féminins jusque-là. Oui, c'est pas faux. Mais sont pas, enfin, il y a Bon, Batman elles sont Superman. sympas quand même, Mais elles sont je sympas. comprends, bah, elles sont sympas, mais je comprends Bon, pas le concept en fait. Batman vs Superman, elle fait un peu flipper. Ouais. Non, par contre, j'aime bien la Harley Quinn. C'est la C'est bien parce Harley que Quinn classique. ça passe super bien à l'audio, du De coup, quoi? de commenter une image. Ah Mais cela dit, allez voir sur les internets, effectivement, la Harley Quinn est très sympa. Allez, on va passer à la troisième de ces news diverses. C'est la SDCC 2016 ouais. qui a ouvert ses ventes de billets et. Je les ai fermés au bout de 40 minutes, puisque Ça ça fait c'est du un oui ravage. au bout de 40 minutes. Parce que tout est Voilà. parti en 40 minutes. Voilà, on connaît l'engouement pour les SDCC. Voilà, ça se confirme encore cette année. Allez, Énorme. on va passer à Marvel maintenant. Deadpool aime les autoroutes. On le sait depuis le film. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, un camion s'est renversé sur l'autoroute, déversant des centaines et des centaines de comics Deadpool. Voilà, des cartons éventrés avec des TP, etc. à l'intérieur. Enfin voilà, des centaines de comics Deadpool qui vont être bons à repartir en arrière, à être brûlés puisque inutilisables. C'est moche. Suite à un accident de camion. C'est assez rigolo, enfin c'est assez rigolo. Entre guillemets, que ça arrive juste Oui, le week-end après la sortie du film, voilà, c'est sûr. qui se passe pour 60% de l'intrigue sur une autoroute. On a eu cette semaine également un record pour Spider-Man, pour la première apparition de Spider-Man dans Amazing Fantasy 15, qui s'est vendu à 454 100 dollars. Donc c'est le record pour une enchère sur ce numéro-là. Jamais Spider-Man avait atteint ce montant-là. Ça a été acheté par un acheteur anonyme et l'enchère se passait à Dallas. Dallas, Voilà. pardon. Son univers. Ouais, mais on peut s'en passer. T'es pas obligé de l'encourager, Clément. D'habitude, je vous incite à ne pas encourager Clément. Là, on va pas encourager Arnaud. Marvel a annoncé également une mini-série. Alors, ouais, Deadpool versus. On va en avoir. Je pense que quand on aura fait tout l'univers Marvel, on va s'arrêter. Et on aura cette fois Deadpool versus Gambit, Ouais, qui sort à la fin de l'année. qui Comme sort, euh, qui sort, par dont le numéro 1 sort en juin. hasard. Voilà. Les couvertures seront faites par Kevin Wada. Les scénaristes seront Ben Aker et Ben Blacker et Ben Blacker plutôt de Thunderbolts et l'artiste Danilo Beirust de Gwenpool. Voilà. Donc Deadpool versus Gambit à partir du mois de juin. Super. On s'en doutait, Star Wars The Force Awakens aura une adaptation en comics. Marvel l'a confirmé et ça démarrera en juin. Ce qui est intéressant, c'est l'équipe. Le scénario sera de Chuck Wendig. Celui-là même qui écrit la trilogie de romans Aftermath, qui fait le lien entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Donc c'est lui qui va adapter le film en comics. Et les dessins seront de Luke Ross, avec les couvertures d'Essa Dribick. Voilà. Donc intéressant de voir Chuck Wending Ouais. conserver, en fait. Voilà. Il introduit le film par trois romans et il va garder l'adaptation comics. Ouais. Et puis pour terminer, Marvel a dévoilé deux premières pages de Civil War 2. Dessinées par David Marquez et Justin Ponsor, et juste elles sont somptueuses. Oui. Y a pas d'autre mot, elles sont somptueuses. Donc peut-être que le scénario sera merdique parce que c'est Bendis, mais en tout cas, ça risque d'être super beau. Ouais. J'avais pas l'intention forcément de lire Civil War 2, et puis là, maintenant. Ça m'a tué quand j'ai vu ces deux pages, là, notamment celle avec Thor, là, Ah ouais, celle avec Thor est juste. elle est incroyable. C'est Alors, c'est pas magnifique. encore colorisé, hein, c'est des planches Ouais, ancrées, mais donc rien peut-être que qu'en ça ça. ajoute aussi à la claque qu'on se prend, hein, une fois qu'avec les couleurs, des Ouais, mais fois, voilà. enfin. Mais en tout cas, Ouais, c'est mais je pense que la couleur. Enfin, j'espère que la couleur sera. à la hauteur. Allez, Arnaud, il reste deux news à faire avant de terminer cette émission marathon. On vous avait prévenu, il y avait beaucoup de choses au programme. C'est deux news du côté de l'Indé. Ouais, d'abord une bonne nouvelle, c'est que l'équipe derrière Lock and Key va se retrouver pour une mini-série. Donc Joe Hill et Gabriel Rodriguez se retrouvent pour une mini-série de 4 épisodes qui s'appelle Tales from the Dark Side, qui est en fait une anthologie qui explore des histoires horrifiques, des contes horrifiques, voilà. Donc projet pas forcément très excitant, mais avec cette équipe créative derrière, ça peut être intéressant. Surtout qu'ils restent dans leur genre, le genre Oui. fantastique. Et l'autre info, c'est que on va avoir un magazine qui s'appelle comment, Image Plus, Ouais. qui est en fait un catalogue preview avec, de 64 pages, avec des interviews, des previews exclusives, des interviews, ce genre de choses. Et surtout, les 12 premiers numéros de ce Image Plus contiendra 4 épisodes, 4 pages, pardon, 4 pages inédites de The Walking Dead, écrites par Robert Kirkman et dessinées par Charlie Adlard. Et chaque mois, ces 4 pages seront concentrées sur l'histoire de Negan himself, enfin, soit de Negan lui-même, qui en fait, on va découvrir l'histoire de Negan avant de les découvrir Donc voilà, ça dans nous, The ça Walking Dead. fera au bout de 12 numéros une origin story de Negan en 48 pages. Le catalogue le magazine Image Plus sera inclus avec le catalogue Previews et sera vendu sinon en solo pour 1,99$. Voilà qui clôture ce mag du 23 février 2016. On se retrouve la semaine prochaine. On sera en mars. Ce sera trop tôt pour parler des ventes, dommage. Mais on sera bien le mardi 1er mars pour le prochain mag. On se retrouve d'ici là, jeudi, pour le 43e numéro de Sur nos écrans, qui sera une descente aux enfers, puisque nous allons parler de Lucifer, que descente aux enfers dans tous les sens du terme. On verra. Je serai avec Léo pour cette émission. D'ici là, bonne lecture, bonne série et à bientôt. Salut. Salut.